Et nous sommes à Lille cette semaine à l'occasion du festival Cité Philo qui rassemble chaque année pendant plusieurs semaines les meilleurs philosophes autour d'un thème. Et cette année, pour cette 23e édition du festival, le thème est la parole. C'est en public en ce qui nous concerne que nous la prenons, cette parole, dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts où nous avons installé nos micros cette semaine. Alors pour cette 4e et dernière émission, après le pouvoir de la parole lundi, l'impuissance de la parole mardi et la parole qui guérit, c'était hier mercredi, aujourd'hui, le mensonge avec une question, mentir, est-ce devenir quelqu'un d'autre? Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Des yeux dans les yeux. Qui a mangé toute la confiture? Pas moi, pas moi, je regardais la télé. Tu aurais pu te laver la figure. J'avais pas vu, mais lui a vu, j'en avais sur le nez. Les petits mensongeurs, les yeux d'Indien, nez qui s'allonge pour de tout petit rien. Les petits mensongeurs, les yeux d'Indien, quand on y songe, ça ne sert à rien. Bonjour Nathalie Frogneux. Bonjour Adèle Van Rijt. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Et bonjour au public lillois, venu nombreux vous, vous écouter aujourd'hui. Merci d'être là. Quand on entend Jérôme Cahuzac qui affirme les yeux dans les yeux qu'il n'a pas, qu'il n'a jamais eu de compte à l'étranger, on est face à un cas indéniable de mensonge. En quoi est-ce que ce mensonge a été pour vous peut-être le point de départ ou en tout cas un exemple mobilisé pour votre réflexion en tant que philosophe sur ce sujet-là? C'était pas tout à fait un point de départ parce que la question traînait déjà dans mon esprit depuis quelques temps. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée avec le cas de Jérôme Cahuzac, c'est à quel point il était convaincu que la performativité du langage, qui est effectivement très importante en politique on peut créer des choses, on peut les inventer lorsque on dit un marque égale un marque. Je prends cet exemple puisqu'on parle beaucoup de la réunification de l'Allemagne. On crée une réalité qui ne correspond pas évidemment à un fait monétaire. Je pense que Jérôme Cahuzac a pensé que la performativité du langage lui permettait de réinventer en fait son histoire et d'interpréter de manière excessive les faits. Donc il a eu cette phrase que je trouve absolument magnifique. Il a dit « Ce n'est pas moi puisque ça ne peut pas être moi ». Et je pense que là, Jérôme Cahuzac a accentué une des dimensions du langage, donc non pas la représentation ou la possibilité de considérer le langage comme véritatif, mais il a insisté sur la capacité que nous avons à créer grâce à la parole. Mais à un point, évidemment, qui le mettait en porte-à-faux. J'aime beaucoup cette expression du porte-à-faux, c'est-à-dire de l'instabilité de ce que l'on peut dire, qui, à un certain moment, nous met dans une situation très précaire, très, très complexe vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, et puis vis-à-vis du monde, en fait, qui peut à tout moment ressurgir pour vérifier les dires. Et donc, l'affaire de Jérôme Cahuzac me semblait très intéressante parce qu'elle dévoilait à la fois toute la puissance du langage, et puis, la limite aussi du langage qui peut interpréter certainement très loin le réel, mais qui à un certain moment peut aussi être contré par la réalité. La question du mensonge, j'allais dire du langage, quel lapsus, est absolument passionnante en philosophie, même dans l'histoire de la philosophie, parce qu'elle convoque une grande pluralité d'approches. En réalité, il y a la question de la franchise, la question du rapport entre le langage et le monde. On peut mentir aux autres, on peut se mentir à soi-même, on peut être franc mais pas sincère. Enfin, il y a toute une subtilité comme ça d'approches qu'on va déplier ensemble, hein, Nathalie Frogneux. Vous êtes philosophe et vous enseignez à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Comment en êtes-vous venue à travailler sur la question du mensonge? Alors d'abord, je lisais Patočka et Jan Patočka, donc un philosophe tchèque du XXe siècle, et j'étais très frappée par une phrase qui restait comme ça dans ma tête. Il disait « Œdipe ne sait pas qui il est et le malheur tombe sur Thèbes ». Et cette phrase me semblait très intéressante. Comment le fait d'ignorer qui on est soi-même peut-il engendrer de tels malheurs? Alors bien sûr, Jan Patočka a beaucoup travaillé sur la question socratique du « connais-toi toi-même », du « soin de l'âme ». Et il y avait cette exigence finalement que la parole fasse sens dans une perspective d'unification de soi. Alors on connaît la suite, évidemment, comme Patočka a adopté une posture morale très forte, il en est venu avec la charte 77 à remettre en question un régime politique qui était devenu mensonger lorsqu'il a... Il s'est insurgé face à l'interdiction pour les Plastic People de tenir le concert en 77. Excusez-moi, je parle belge, en 77. Bah, vous excusez pas, c'est que nous sommes à Lille, donc je pense que tout le monde vous comprend. Eh bien, il a en fait affirmé une posture morale, c'est-à-dire que cette interdiction allait au-delà de ce qu'il était capable de tolérer et de la négation de la liberté de ces jeunes qui voulaient tenir un concert. Bon, alors, c'était pas vraiment un grand groupe de rock, mais on voit bien qu'à un certain moment, cette posture morale, cette unification de soi a eu un impact politique. Et puis, je me suis dit, peut-être que il ne s'agit pas uniquement d'une posture morale. Et j'ai alors cherché à comprendre ce que voulait dire pour nous, pour l'humanité, pour les humains, puisque je fais de l'anthropologie philosophique, c'est-à-dire pas de l'anthropologie simplement descriptive, mais de l'anthropologie dans le sens d'une recherche globale de ce qu'est l'humanité, comme une des parties spéciales de la métaphysique. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un enjeu simplement anthropologique et que nous avons toujours à rendre compte de notre existence face à la question de la vérité, que la question de la vérité ne peut pas être complètement effacée de nos existences. Et donc, j'ai quitté un peu le champ moral pour arriver vers un champ plus anthropologique, plus descriptif. Alors, mais qu'est-ce que ça change, juste avant qu'on avance, l'approche anthropologique du mensonge, en quoi vous permet-elle de penser des choses que l'approche philosophique ne vous permettait pas de penser ? Quand je parle d'anthropologie philosophique, je fais évidemment de la philosophie. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas uniquement de la morale. Je ne cherche pas à justifier le mensonge. Ni à le condamner, comme pouvait le faire Kant ou Constant. Je ne tente pas, comme Augustin, de savoir si l'intention trompeuse est mauvaise et si elle est plus ou moins mauvaise, dans quelles et quelles circonstances, etc. Je tente de faire une phénoménologie du mensonge, dans le sens où j'essaie de comprendre ce qu'est une existence qui est baignée dans le secret et le mensonge, parce que je pense qu'ils sont contigus, le secret et le mensonge, et qui fait qu'à un certain moment, l'exigence de vérité qui se trouve logée au cœur de nos existences n'est plus rencontrée. Alors pour cela, je me suis dirigée vers des auteurs comme Bernard Williams, qui a écrit un magnifique ouvrage « Vérité et véracité ». Qui est Bernard Williams ? Alors c'est un philosophe moral anglais, britannique, on le considère comme un des plus grands philosophes moraux de l'Angleterre du siècle dernier, qui a beaucoup travaillé sur des expériences de pensée. Et dans cet ouvrage-là, justement, il dit que la question de l'humain ne peut pas faire fi de la question de la vérité. Et donc, il y a évidemment une rencontre en dernière instance entre la description de qui nous sommes et cette exigence de rencontrer à un certain moment la vérité. Il a un philosophe assez proche, Harry Frankfurt, qui a écrit « On Bullshit », excusez-moi, c'est « De l'art de dire des conneries », c'était traduit comme ça en français, « De l'art de dire des conneries », qui explique qu'on peut tolérer une certaine prise de liberté à l'égard du réel. On peut évidemment plaisanter, baratiner, augmenter la réalité par une emphase, etc. Mais il y a un moment où cette emphase devient excessive et alors on dira à quelqu'un « Arrête tes conneries ». Donc, ce qui est très intéressant avec Harry Frankfurt, c'est qu'il travaille sur la notion de baratin. Le baratin, ce n'est pas le mensonge. Le baratin, c'est une prise de parole qui se considère comme libre par rapport à la question du vrai et du faux. Donc, vous savez que dans l'Hippias mineur, Platon dit le menteur a une position supérieure à celui qui ne ment pas, puisque le menteur est capable de connaître la vérité et de dire son contraire. Et donc, il a une double vue, ce qui le rend supérieur. Alors, supérieur intellectuellement et moralement, enfin, bon, le dialogue est finalement assez aporétique, mais la question que soulève Harry Frankfurt est justement une autre question, c'est de dire le baratin, c'est le fait de s'éloigner de l'opposition vrai-faux. Le baratineur, en fait, choisit de raconter ce qu'il veut. Et à partir de cette notion de baratin qui m'intéressait et qui est encore liée au langage, j'ai élargi le propos et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de penser cette fois la vie qui s'éloigne de la question du vrai et du faux. Donc plus seulement une question de langage, est-ce que je mens en m'exprimant, mais est-ce que je mens dans ma vie, dans mon comportement, dans qui je suis ? Donc Eric Weil disait « La vérité ne se formule pas, elle se vit ». Et j'ai envie de dire « Le mensonge ne se formule pas, c'est pas seulement du franc mensonge, le mensonge se vit ». Et donc on arrive alors à cette question de ce qu'on pourrait appeler une vie mensongère ou une vie en porte-à-faux. Et c'était ça qui m'intéressait sur le plan anthropologique. Donc que veut dire vivre une vie en porte-à-faux ? Que veut dire une vie en porte-à-faux pour soi, pour les proches et éventuellement pour le rapport au monde. Avant de prendre un exemple de vie en porte-à-faux, parce qu'on en connaît tous, finalement certains ont occupé le devant de la scène médiatique, d'autres en ont fait des romans, d'autres peut-être sont nos voisins, d'autres peut-être sont ici présents dans cette salle. Qui sait, on va pas mener l'enquête. Je vous propose qu'on, pour bien déplier ce que vous êtes en train de dire, avant de prendre un exemple, un détour par Vladimir Jankélévitch, le philosophe, qui lui affirme que, dans la perspective que vous dépliez, que non seulement le mensonge n'est pas forcément moral, c'est pas forcément ni bien ni mal, mais surtout que le temps qui passe est lui-même propice au mensonge. Écoutez-le. Le temps, tout d'abord, fait mentir, en ceci qu'il est l'organe du démenti. Le même, par la chronologie, devient un autre, et puis un autre encore. Car c'est cela, devenir, être un autre que soi-même. Être ce qu'on n'est pas, tantôt moins et tantôt plus. Par une sorte de continuation d'altérité, le devenir fabrique des personnes inégales à elles-mêmes, dissemblables d'elles-mêmes, en même temps qu'il rend toute prédication synthétique. Mais comme nos moyens d'expression ne représentent, au regard de ces innombrables vérités intérieures dont la succession compose notre histoire, qu'une certaine fidélité instantanée, la véracité ponctuelle d'une seconde, il faudrait multiplier les traductions à l'infini pour serrer au plus près la vérité totale. Quelle patience plus qu'humaine y suffirait ? Quel instrument dynamique ? Quelle infatigable sincérité et à chaque moment compromise ? Fatalement, le fossé va s'élargir entre le système des signes stationnaires et la continuité des présents successifs, tous authentiques, tous absolus, qui forment notre durée. Tandis que nous prenons conscience de cette fissure béante, germe la tentation d'en profiter en y puisant des alibis, car cette vérité en caoutchouc favorise grandement la malhonnêteté et l'approximation. Et nous voilà pris dans le dilemme d'une fidélité intemporelle qui, divergeant de plus en plus d'avec notre vérité intérieure, devient plus menteuse que l'hypocrisie, ou d'une sincérité toujours contemporaine de son présent, mais dont la rançon est le reniement, le parjure et l'apostasie perpétuelle. À toute minute s'offre ainsi à nous la possibilité du mensonge véridique, celui qui donne pour un sentiment éternel, pour une vérité en soi, le message d'un instant. Bonjour, vous êtes bien chez Alice, Vincent, maman et papa. Nous ne sommes pas là. Laissez-nous un message après le bip sonore. Pour toi, Christine, et les enfants, parce que je vous aime, parce qu'il n'y a pas d'autre centre à ma vie que vous. Allez, on se dépêche, les enfants, mettre en retard. Tu viens me chercher ce soir ? J'ai une grosse journée, je t'appelle. Vous étiez ensemble en deuxième année. Oui. À ce soir, travaillez bien. Et à ce moment-là, comment était-il ? Intelligent. Tu t'es pas rasé, toi ? Péritonite, à 4h du matin. Timide, par certains côtés. Oui, dis donc, il y a un couple de radiologues qui s'est installé. Merci. Assez sympa. Et ils veulent te rencontrer. Je me souvenais à peine de lui, là-bas. Enfin, moi, je me suis pas recherché. Il était très discret. Moi, je pense que d'ici 3 ans, l'ange scan va supplanter l'artériographie classique. Il était bon, il était même meilleur que moi. Ils doivent être fiers, tes parents. Quelle différence, Nathalie Frogneux, entre le mensonge véridique dont parle Jean Kelevitch, qui semble être consubstantiel à l'existence humaine, et le mensonge explicite, bien que difficilement assumé, de Jean-Claude Roman, cet homme qui s'est fait passer pour un médecin pendant 18 ans, un médecin aux yeux de sa femme, de sa famille, qui vivait une vie de famille. On entendait les témoignages, c'est le film L'Adversaire de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil dans le rôle de Jean-Claude Roman, qui montre bien que cet homme vivait une vie normale, simplement, il n'a jamais été médecin de sa vie. Il inventait des nuits de garde pendant lesquelles il allait dormir à l'hôtel, des séminaires à l'étranger où, pareil, il allait dormir en dehors de son domicile. Il s'inventait comme une double vie, mais au moment où il a été confronté à la réalité, il était sur le point de devoir avouer qu'il avait menti pendant tout ce temps, à assassiner sa femme et ses enfants. C'est devenu un fait divers qui avait défrayé la chronique à l'époque. Quelle différence entre les deux ? Ce que Yankelevitch met en évidence et que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait que nous n'avons pas d'authenticité comme état. Nous n'avons pas à décrire qui nous sommes comme nous aurions à décrire un objet extérieur qui reste stable. Notre devenir est forcément mensonger puisque nous sommes dans un processus constant d'auto-altération. Nous changeons constamment et donc il y a une écriture de soi progressive et chronologique qui fait que notre conscience est toujours une conscience dédoublée. Alors, la conscience et le temps inscrivent dans nos vies, en fait, la possibilité du mensonge. Et c'est avec cette possibilité du mensonge que nous devons tenter d'arriver à la question de la sincérité, mais on en parlera sans doute tout à l'heure. Par contre, ce qui se passe avec Jean-Claude Roman, c'est qu'il s'invente un rôle qui est mensonger, alors là, dans le sens du franc mensonge, puisqu'il prétend avoir réussi ses examens de médecine alors qu'il a échoué. Et il continue son parcours, son cursus, ce qui fait que petit à petit, sa vie va devenir une vie indécidable. Il accumule des compétences et des connaissances de médecin, au point qu'il peut donner le change à ses confrères, à ses collègues, etc. Il a de réelles compétences en médecine, donc il parvient réellement à se faire passer pour médecin, alors qu'il n'a finalement pas le diplôme et il n'a pas une vie de médecin, sauf une vie sociale, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un médecin. Il a un statut de médecin, il est regardé comme un médecin par ses proches et par les autres, donc il est dans un réel dédoublement. Il sait évidemment qu'il n'est pas médecin et qu'il joue au médecin, mais les autres le prennent pour un médecin. Alors l'ironie du sort veut que quand il sera emprisonné, donc après le meurtre de ses parents, de sa femme et de ses enfants, et de son chien, apparemment il n'a montré d'émotion que pour le meurtre de son chien, il a été appelé le doc en prison. En prison, on continuait à appeler le doc. Et quand on avait, quand les autres prisonniers avaient des problèmes de santé, ils allaient le voir pour qu'il les soigne. Donc, il y avait véritablement des compétences de médecin. C'est ce que j'appelle le pseudos. Il était à la fois médecin et pas médecin. Il avait un statut de médecin dans son village. Il avait des compétences de médecin et en même temps, il n'avait pas la vie complète d'un médecin. Il avait une vie diffractée. Et donc là, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose, il s'agit véritablement du dédoublement dont parle Platon quand il dit d'un côté, je sais que je passe Platon ne dit pas ça, mais en reprenant la parole à Jean-Claude Roman, on pourrait dire « Je sais que je passe ma vie sur des parkings d'autoroute en attendant l'heure de rentrer à la maison et que je ne suis pas médecin, mais je joue au médecin. » Et donc, c'est un jeu au sens d'une hypocrisie dans ce cas-ci. Mais en même temps, vous voyez que l'hypocrisie tient tellement bien qu'elle va devenir une existence d'un autre type. Donc, oui, ce qui m'intéresse, c'est le mensonge, en fait, qui a du succès et donc qui va avoir une durée dans le temps et qui va avoir aussi un effet cumulatif. C'est-à-dire que puisqu'il est reçu comme médecin par les autres, il s'éprouve comme médecin toujours davantage et finalement, il est en prison, c'est le doc. Mais c'est très compliqué et c'est passionnant parce que là, de fait, il ment à tout le monde, mais tout se passe comme si son mensonge était sincère. Finalement, il y a une forme, c'est une vie entièrement fausse, vécue avec la sincérité de celui qui aurait voulu être médecin. Oui, On peut mentir en étant sincère ? Absolument, quand on veut, on a réellement l'intention de devenir médecin, on a réellement l'intention de devenir celui que l'on prétend être. Et alors là, on a une histoire encore plus intéressante, c'est celle de Micha de Fonseca, qui, à partir d'un secret, elle voulait cacher le fait que son père avait été collaborateur en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est inventée une vie de jeune juive qui aurait perdu ses parents et qui devait survivre avec les loups, donc en Europe centrale. Et donc elle a inventé complètement une histoire pour pouvoir cacher une identité dont elle avait honte. Et donc elle voulait sincèrement devenir cette petite juive parce qu'elle voulait sincèrement pas être du côté des collaborateurs. Et donc, c'était une histoire quand même très compliquée parce qu'elle a écrit ce témoignage, qui était donc un faux témoignage, mais que son éditeur avait accepté comme une histoire véridique. Et puis, lui-même a été dupé. Et quand l'affaire a éclaté, parce que d'autres personnes qui avaient vécu à la même époque, dans des circonstances similaires, ont pu démentir des détails qui n'étaient absolument pas exacts, elle a fait passer alors son récit pour un roman. Mais entre-temps, elle avait témoigné dans les écoles en Belgique. Elle témoignait, les instituteurs, les institutrices, les directeurs d'école avaient les larmes aux yeux en l'entendant, les enfants revenaient émus à la maison. Elle témoignait d'une histoire construite, complètement construite. Et donc, elle dit, c'était mon histoire, je voulais vraiment devenir cette petite fille. On a affaire à une sincérité du mensonge. Elle écrit dans « Survivre avec les loups », hein, donc c'était en 1997, Micha de Fonseca écrit « Oui, je m'appelle Monique Develle, mais depuis que j'ai 4 ans, je veux l'oublier. Mes parents ont été arrêtés quand j'avais 4 ans, j'ai été recueillie par mon grand-père, Ernest Develle, puis par mon oncle. On m'appelait la fille du traître parce que mon grand-père était soupçonné d'avoir parlé sous la torture à la prison Saint-Gilles. À part mon grand-père, j'ai détesté ceux qui m'avaient accueillie. Ils me traitaient mal, je me sentais rejetée. C'est vrai que depuis toujours, je me suis sentie juive et plus tard dans ma vie, j'ai pu me réconcilier avec moi-même en étant accueillie par cette communauté. Alors je me suis raconté dès l'enfance une vie, une autre vie, qui me coupait de ma famille, une vie loin des hommes que je détestais. C'est aussi pour cela que je me suis passionnée par les loups, que je suis entrée dans leur univers. Il m'est encore difficile aujourd'hui de faire la différence entre la réalité et mon univers intérieur. » C'est souvent l'argument qui est avancé dans ces cas-là, c'est l'impossibilité de distinguer la réalité de l'univers intérieur. Et là, c'est sans fin, parce que si on ne veut pas avoir une approche psychologique du mensonge, on ne peut pas sonder ce qui se passe réellement dans le cerveau de la personne qui prétend ne plus faire la distinction entre les deux. Nathalie Frognier. Oui, bien sûr. Donc, quand je dis que j'élargis la conception du mensonge, au-delà de la question du langage, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout dans l'hypothèse selon laquelle le corps ne ment pas, tandis que la parole est menteuse. Parce qu'alors, évidemment, on a des expériences en psychologie qui nous permettent d'évaluer les émotions, les sentiments, d'évaluer les signes corporels d'un décalage entre l'intention et le mensonge. Ici, physiquement, Micha de Fonseca a incarné ce personnage et au point d'aller témoigner, comme je le disais. Donc c'est quand même, elle a un vécu de femme qui témoigne d'une enfance malheureuse, avec des enfants qui pleurent devant elle, des parents qui s'émeuvent, etc. Son vécu a été vraiment construit autour de ce personnage qui a pris réalité, à mon avis, à travers le témoignage. Donc dans ce cas-là, il me semble qu'on est dans une question qui dépasse le simple problème psychologique. Mmh. C'est pour ça que j'appellerais cette dimension une dimension anthropologique. Oui, mais alors pourquoi ça nous pose un problème ? Autant dans le cas de Jérôme Cahuzac, ça nous pose un problème parce que c'est quelqu'un qui fait partie du gouvernement, qui est censé représenter une partie des citoyens, donc son mensonge nous paraît absolument insupportable. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que, malgré nous, quand même, nous condamnons, pour des raisons morales, un tel mensonge ? Je ne pense pas que ce soit pour des raisons morales, c'est pour la consistance du monde et la consistance de notre être ensemble. C'est la consistance de notre vie commune, en fait, qui suppose que nous ayons une articulation entre l'exactitude et la sincérité. Si notre monde est commun, nous devons pouvoir partager certains faits. Et donc, je pense que pour les personnes qui ont vécu en Europe centrale, entendre des récits complètement décalés par rapport à l'exactitude des faits, qu'ils étaient constitués une rupture dans la relation à un monde commun. Donc, c'est là que j'aime beaucoup, en fait, Bernard Williams. Il dit, nous avons un rapport à la vérité, nous avons un rapport à la véracité qui fait notre humanité et renoncer à ce rapport, ce serait être en rupture à l'égard de ce que nous devons être. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'agit d'être... Bernard Williams considère que la vérité repose sur deux vertus. Il appelle ça deux vertus, la sincérité et l'exactitude. Pourquoi ? Parce que la sincérité et l'exactitude sont des processus constants que nous devons vertueusement cultiver et qui se cultivent l'une par l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas être sincère si je n'ai pas sincèrement le souci constant que mon propos soit exact. Et donc, exact, ça veut dire adéquat avec le monde extérieur. Oui, enfin, adéquat, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, que je sois préoccupée qu'il ne soit pas démenti par, par le monde extérieur. Oui, on peut dire adéquat au monde extérieur. Alors, j'avais une prudence supplémentaire, c'est que l'exactitude, évidemment, suppose des instruments de mesure, suppose une information, etc. Je ne suis pas toujours dans l'exactitude. Là aussi, il s'agit d'une vertu. L'exactitude doit se gagner peu à peu grâce à des épistémologies qui sont de plus en plus précises, grâce à des instruments de mesure ou des perspectives qui se multiplient, etc. Enfin, on voit bien, par exemple, que... pour des questions aussi complexes que la question du réchauffement climatique, l'exactitude se gagne de haute lutte avec des points de vue qui s'additionnent, etc. Donc l'exactitude, c'est pas quelque chose de simple. Il suffit pas de regarder, d'observer. On sait que c'est plus complexe que ça. Donc c'est une vertu de s'engager à être toujours au plus proche des méthodes les plus précises, les plus exactes, trouver les épistémologies qui nous permettent de mesurer au mieux le monde, etc. Tout en étant sincère. Pourquoi ? Les deux sont articulés l'un à l'autre. Je pense qu'on peut avoir des choses sous les yeux et ne pas les voir. Enfin, je pense notamment, par exemple, à Thomas Laker, qui a écrit un livre remarquable sur la fabrique du sexe. Et il disait, on disséquait des corps et on continuait à fonctionner en disant que le sexe féminin était comme le fourreau de l'épée, qui était le sexe masculin. Et ça ne correspondait absolument pas à ce qu'on pouvait voir. Mais l'exactitude ne gagnait pas de terrain sur l'idéologie et sur les préjugés à l'égard du masculin et du féminin. Donc, il ne suffit pas d'avoir des choses sous les yeux, évidemment, pour être capable de décrire une chose exactement. Il faut avoir sincèrement la capacité aussi à remettre en question ses préjugés, à remettre en question sa conception du monde, parce que peut-être que les nouvelles mesures nous demandent justement un travail sur la sincérité que nous avions jusque-là. Parce que sincèrement, le monde avait l'air d'être adapté à notre... vision du monde jusque-là. Est-ce qu'on peut distinguer la sincérité de la franchise ? Oui, je pense que oui. Alors, je ne l'ai peut-être pas suffisamment fait dans l'article que vous évoquiez avec Cahuzac, mais... Sur Cahuzac, parce que vous ne l'avez pas écrit avec lui. Non, pardon, ouais. Sur Cahuzac. Non, on aurait été ravis de le convier à cette table. Oui, c'est vrai, ça vous aurait fait de l'audience. On a Nathalie Frogneux, c'est beaucoup mieux pour l'audience. Alors, merci. Oui, donc c'est ça. Je pense que la franchise, ouais. Oui, c'est ça. La franchise, ce serait peut-être, elle serait déjà au-delà de la question de la sincérité au moment où il s'agit de dire, d'exprimer quelque chose qui peut éventuellement heurter alors les relations au monde et les relations aux autres. Éventuellement même heurter un rapport que l'on avait jusque-là à soi-même. Donc, dans la franchise, il peut y avoir quelque chose d'assez violent. Et je pense que la franchise nous mène à la parésia. Donc la parésia, c'est ce courage qu'on a découvert dans l'Antiquité, que Foucault a remis au goût du jour. C'est cette capacité à dire les choses franchement. Le parler vrai, parfois, dit-il. Le parler vrai et avoir le courage même de dire les choses complètement. Là, évidemment, on rejoint la question des lanceurs d'alerte. On rejoint la question, justement, d'une sortie d'un contexte mensonger ou d'un contexte corrompu, etc., etc. Donc, la parésia, je pense, a beaucoup de sens. Mais dans la parésia, il y a peut-être une illusion qui consisterait à dire que être sincère, ça consiste à être transparent. Donc, la parésia comprise comme tout dire et dire franchement, la vérité peut nous conduire à imaginer que la sincérité, c'est la transparence. Et là, j'aurais vraiment beaucoup de réserves parce que la sincérité, pour moi, c'est un processus. C'est un processus d'ajustement. Ricoeur dirait, c'est l'attestation de soi s'attester de manière véridique en disant qui l'on est, en sachant qu'il y a toujours de l'opacité, en sachant qu'il y a toujours de l'inconscient, en sachant qu'on n'est jamais transparent à soi-même. Donc c'est un processus. Dans la parésia, je pense qu'il y a peut-être parfois l'illusion d'une authenticité comme transparence. Et comme... coïncidence pure à soi-même, le cogito purement transparent de Descartes. Et comme si la vérité était en elle-même accessible. Voilà. Alors qu'il ne suffit pas d'être sincère pour être vrai. Non, mais la sincérité est en tout cas un moyen vers une véracité. Une des vertus qui permet d'arriver à la véracité. Vous parliez des pseudos, enfin du pseudo justement, on parlait de Jean-Claude Roman, et ces personnes qui se font passer pour d'autres qu'elles ne sont, ce qui est un processus quand même très particulier hein, dans le cas du mensonge, et je voudrais qu'on s'y arrête plus précisément, si vous voulez bien, Nathalie Frogneux. Pseudo, c'est le titre d'un ouvrage que Romain Gary a écrit, dans lequel on peut lire ceci. « Je suis Émile Ajar. » Le seul, l'unique, je suis le fils de mes œuvres et le père des mêmes, je suis mon propre fils et mon propre père, je ne dois rien à personne, je suis mon propre auteur et j'en suis fier, je suis authentique, je ne suis pas un canular, je ne suis pas pseudo-pseudo, je suis un homme qui souffre et qui écrit pour souffrir davantage et pour donner ensuite encore plus à mon œuvre, au monde, à l'humanité. Quand il s'agit de mon œuvre, il n'y a pas de sentiment, de famille qui tienne, la seule chose qui compte, c'est mon œuvre. Pendant très longtemps, les suggestions cyniques qu'il me proposait, je les trouvais très justes. Et puis parce qu'aussi, je sentais bien qu'il me manipulait. Mais d'abord, j'étais là pour être manipulé. Okay ? Ensuite, c'était un homme, c'était un politique. C'est-à-dire que les propositions scéniques et ces choses-là étaient le plus souvent bien vues. Est-ce que vous et vous êtes senti... Et j'avais pas les éléments, moi, pour proposer quelque chose de mieux. Paul Pavlovitch, est-ce qu'à un certain moment vous êtes senti humilié dans cet emploi ? Pas dans l'emploi. Je me suis senti humilié par pseudo. Par pseudo. Mais encore une fois, c'est le pouvoir de la littérature, ça. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Romain Gary, en 1956, reçoit le prix Goncourt pour son livre Les Racines du Ciel. En 1975, Émile Ajar reçoit le prix Goncourt pour un ouvrage qui s'appelle La vie devant soi. Émile Ajar n'apparaît jamais en public. On ne sait pas qui est Émile Ajar, on se demande qui il est, personne ne vient chercher le prix, jusqu'à ce que quelqu'un qui se présente comme Émile Ajar s'affiche publiquement comme étant cet auteur. Romain Gary, lui-même, quand il sera interrogé sur cette question, dira que non, lui-même n'a jamais été Émile Ajar, ou bien qu'Émile Ajar était Émile Ajar, le seul, l'unique, qui n'était pas Romain Gary. Il était en pleine expérience, jeu, canular, on verra justement, de dédoublement, mais il est allé encore plus loin que ce qu'on peut penser, puisqu'en demandant à Paul Pavlovitch, que vous venez d'entendre, c'était au micro de Bernard Pivot hein, en 1981, de jouer le rôle de celui qu'il avait lui-même inventé. Paul Pavlovitch a accepté, et il parle lui-même hein, des complications, et même presque d'humiliation, enfin même pas presque, il parle d'humiliation dans un certain sens, un sens politique. Ici, nous sommes au paroxysme du dédoublement, Nathalie Frogneux. Oui, sans doute, c'est une histoire complètement fascinante, puisque Romain Gary est d'ailleurs un pseudonyme de Roman Cachou, j'espère le prononcer. Donc il se dédouble, mais il est vrai que Émile Ajar va prendre une importance un peu inattendue, puisque le Goncourt, normalement, n'est attribué qu'une seule fois. Et donc, comment faire si ce personnage devient tellement réel, véridique, s'il a une consistance au point de s'incarner dans une personne, de recevoir un corps finalement d'une autre personne, alors qu'il s'agit d'un jeu de dédoublement. Ce qui est intéressant, c'est que le secret sera tenu quand même très longtemps, puisque c'est seulement après le suicide de Romain Gary que l'affaire sera découverte. Alors, est-ce que c'est un dédoublement, détriplement, et puis il y avait encore d'autres pseudonymes pour Romain Gary. Peut-être qu'ici, il s'agit d'un pseudo, d'ailleurs c'est le titre de son ouvrage, d'un pseudo plus important que simplement un pseudonyme. C'est une vie parallèle finalement qui a été conférée à un personnage, à un rôle, à je ne dirais pas que c'est un canular, parce que c'est vraiment une dimension importante de la vie de Romain Gary, au point que parfois on hésite, on se dit mais lequel est le vrai, celui qui a eu le Goncourt en premier. Alors ils sont tous vrais, c'est ben ça oui, évidemment c'est ça. Le point, ils sont tous vrais, mais normalement Romain Gary devrait avoir plus de consistance puisqu'il a eu le Goncourt en premier. Si jamais il fallait trancher. Mais ils sont tous vrais, dites-vous. C'est vrai, mais ce sont Émile Ajar est un auteur, c'est pas le même degré de vérité d'existence que Romain Gary. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on est dans une mise en abîme de toute façon du degré de véracité, puisqu'on parle de fiction, puisqu'on parle de littérature et puisqu'on parle d'auteur. Peu importe en fait qui est Émile Ajar, non? Du moment qu'il a écrit La vie devant soi. Oui, peu importe, sauf que vous voyez qu'il y a un moment où, quand même, où on rencontre le réel, on rencontre le monde, on rencontre les institutions, et parmi les règles du Goncourt, il est dit qu'un auteur ne peut le recevoir qu'une seule fois. Et donc, il y a un porte-à-faux vis-à-vis du monde dans lequel Romain Gary vit, ou Émile Ajar vit. Vous voyez, il y a un problème d'exactitude, j'appellerais ça un problème d'exactitude. Oui, mais ça pose un problème au Goncourt, et c'est pas si grave. Je veux dire, le problème, si problème il y a, il est peut-être dans l'identité même de Romain Gary. Oui, je ne vois pas ça en termes de problème moral. J'essaie de souligner qu'ici, il y a quand même une façon d'être qui est assez particulière. On sait qu'il y a eu des travaux d'étudiants pour essayer d'établir que Romain Gary et Émile Ajar étaient un seul et même auteur, donc à partir du style des ouvrages, etc. Cette hypothèse commençait à fleurer à un certain moment. Et puis, donc ça a changé des existences, ça a changé le monde, évidemment, qu'il y ait un secret, puisque certains étudiants se sont penchés pendant un an, deux ans sur cette question. Donc il y a un véritable effet dans le monde, ça change notre monde qu'il y ait ce personnage. Donc ce n'est pas simplement une doublure, un voile, quelque chose d'inconsistant. C'est quelque chose qui a une réalité dans le monde et qui change des existences, puisqu'un professeur dirige un travail d'un étudiant qui s'y consacre, qui imprime des pages et puis qui les présente pour obtenir son diplôme. Oui, mais dans ce cas, n'est-ce pas nous-mêmes qui accordons peut-être trop d'importance à ce que vous appeliez l'exactitude, ou en tout cas la référence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et le monde extérieur, quand on ne pourrait ne juger que les effets? Au fond, on est quand même prisonnier de cette espèce de prisme. Alors, je ne sais pas s'il est moral ou s'il est peut-être social, mais cette obsession de l'identité dit aussi quelque chose. On pourrait accepter que les gens sont différents, que les gens sont pluriels, et qu'à différents moments de sa vie, d'ailleurs, on est souvent différent, qu'on soit écrivain ou pas. Mais bien sûr. C'est ce que disait Jean Kelevitch aussi. C'est ce que disait Jean Kelevitch. Donc, je ne nie absolument pas le fait que nous soyons pluriels, que nous soyons en devenir, que la conscience nous dédouble, que nous ayons des rôles à jouer, etc. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est le point de bascule lorsque la liberté que nous pouvons avoir à l'égard du monde et à l'égard des autres et même à l'égard de nous-mêmes dans la façon dont nous interprétons, nous rapportons à nous-mêmes, lorsque ce qui était une liberté, voire une grande liberté, s'inverse et devient en fait une prison ou une rupture dans la confiance des relations aux autres ou bien une difficulté à l'égard de soi-même. Donc je pense qu'il y a un moment où cette liberté en fait s'inverse. Alors c'est cette ambiguïté-là qui m'intéresse évidemment, parce qu'on pourrait être fasciné par la force créative de tous ces grands menteurs. C'est quand même extraordinaire. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous fascinent. Ils parviennent à se libérer, semble-t-il, des contraintes du monde. Ils sont très loin de la question simplement de la représentation. Ils font preuve d'une inventivité magistrale. Et puis, à un certain moment, cette liberté semble s'invertir en son contraire. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à accepter, même ce que dit Jean Kelevitch, que le mensonge fait partie de notre vie? Il y a quand même une réticence que nous avons à accepter. Vous parliez de l'exigence de la transparence, qui est très présente aujourd'hui d'ailleurs dans les discours, comme si le règne de la sincérité, de la vérité, qui conduisait à celui de la transparence, était l'expression d'une réticence, d'une peur ou d'une impossibilité d'accepter que peut-être le mensonge fait aussi partie de notre vie. Pour moi, l'exigence de transparence est vraiment une mauvaise compréhension de qui nous sommes. Donc, je ne parlerai certainement pas d'une exigence d'authenticité où il s'agirait de trouver le noyau dur de qui nous sommes, etc. Ça, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, puisque nous sommes en devenir et que nous sommes dans une perpétuelle auto-altération. Je pense que nous n'avons pas de mal à concevoir le mensonge. Nous mentons très souvent. Et d'ailleurs, si vous lisez, par exemple, des livres sur la psychologie, psychologie du mensonge, première chose qu'on vous dit, c'est réfléchissez, vous avez sans doute menti 2 à 3 fois aujourd'hui. Effectivement, on ment parce qu'on exagère, on ment parce qu'on minimise, on ment parce qu'on est inexact, on dit des demi-vérités, etc. On ment beaucoup. Je pense qu'on n'a pas de problème avec le mensonge pour le moment. Bah, on s'en veut quand on ment, non ? Vous croyez ? Pas si le domaine de l'introspection. On dit toujours que c'est un problème. La preuve, on fait le bilan à la fin de la journée où j'ai menti 3 fois. Si c'était anodin, on se dirait même pas ça. C'est un psychologue qui exige cette révision. Sinon, je pense qu'on s'en accommode assez facilement. On n'a pas tous le même surmoi, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que on a ce que saint Thomas appelait les mensonges joyeux, les mensonges pour faire la conversation, être agréable en société, etc. Enfin, si vous racontez simplement votre journée sans exagérer, ne sera pas très intéressante. C'est bien mieux de la fleurir, c'est bien mieux d'en rajouter un peu. Ça fait partie du baratin très agréable en société. Donc en société, vous avez évidemment besoin d'être louangeux. La louange permet d'augmenter le bien-être des gens. Si je vous dis vous êtes merveilleusement rayonnante aujourd'hui, vous allez vous sentir bien, vous allez devenir merveilleusement rayonnante. Voilà, je vais plus vous croire. Hein. C'est dommage qu'on soit à la radio avec parce que tout le monde pourrait me croire. Non, c'est la louange. La louange, ce n'est pas du baratin. La louange, c'est cette force que les Grecs reconnaissaient à la parole, qui disait, c'est une force qui a un lien avec la physis, c'est-à-dire que la louange permet d'augmenter ce qui est. Si je vois une fleur et que je n'en dis rien, cette fleur est peut-être moins belle que si je m'y arrête et puis je commence à vous la décrire et à m'émerveiller devant cette fleur. Donc cette fleur fleurit davantage grâce à ma capacité que j'ai à être louangeuse. Donc là, c'est plus le mensonge, là. Non, ça, c'est la force performative du langage. Et donc, si on commence à dénoncer tout ce qui est un manque de description pointilleuse à l'égard du réel comme mensonge, je pense qu'on est effectivement beaucoup trop sévère et alors on rend la vie sociale impossible, mais aussi la vie tout court. Le langage n'est pas simplement le doublon de la réalité. Donc, je pense qu'on s'accommode très bien du mensonge. Ma question est simplement celle de savoir à quel moment le mensonge devient-il problématique. Je ne dirais pas mauvais, je n'ai pas envie de tomber dans du moralisme, mais j'ai envie de dire à quel moment éprouvons-nous le besoin d'une réunification, de nous unifier à nouveau avec les autres, avec soi-même, avec le monde. À quel moment avons-nous besoin, comme le disait Harry Frankfurt, de dire « arrête tes conneries ». Maintenant, tu mets de la clarté dans ta vie, tu fais la synthèse, tu dis ceci et cela à tes proches, etc. Arrête tes conneries. Là, le mensonge est allé trop loin. La liberté d'interprétation devient excessive. Et donc, à quel moment ? Ah, ça va dépendre évidemment de chacun, comme vous disiez, le surmoi, la psychologie de chacun, les relations de chacun, l'histoire de chacun. Je ne peux pas évidemment tracer au cordeau le point à partir duquel il y aura un excès d'interprétation. Mais il me semble que Le moment où on a envie d'avouer et le moment où on considère qu'on est allé trop loin. Ah, vous parlez d'aveu quand même. Oui, alors c'est un petit livre de Jérôme Poré que je vous recommande, Phénoménologie de l'aveu, qui est sorti en 2018 chez Hermann, donc je fais une publicité au passage. C'est le lieu, je vous en prie. Redit l'importance, en fait, de l'aveu qui a été trop décrié, parce qu'on a souvent parlé des aveux arrachés, extorqués de manière violente, etc. Et lui, il reprend vraiment la tradition des aveux dans la tradition augustinienne, dans la tradition de toutes les confessions, etc. C'est une traduction possible de ce qu'on appelle les confessions de Saint-Augustin. Oui. Frédéric Boyer parle des aveux de Saint-Augustin, absolument. D'ailleurs. Tout à fait. Et donc, les aveux sont le moment d'une recherche de réunification. Réunification de soi, réunification avec les autres et avec le monde. Et je pense que chacun décidera du moment où il a besoin de cette réunification. C'est à ce moment-là, peut-être, que le point d'excès est atteint. Donc, c'est un aveu à soi-même. À soi-même et aux autres, et une reconnaissance aussi du monde et de sa consistance. Alors, je ne sais pas si c'est un éloge du mensonge vers lequel il faudrait aller, mais je vous propose quand même la perspective qui est celle de Nietzsche, qui dans Humain, trop humain, s'interroge d'ailleurs sur la facilité avec laquelle nous avons tendance à mépriser le mensonge. C'est l'aphorisme 54, il écrit ceci. Pourquoi dans la vie de tous les jours, les hommes disent-ils la plupart du temps la vérité ? Sûrement pas parce qu'un dieu a défendu le mensonge, mais premièrement parce que c'est plus commode. Le mensonge réclame invention, dissimulation et mémoire. Ensuite, parce qu'il est avantageux quand tout se présente simplement de parler sans détour. Je veux ceci, j'ai fait cela, et ainsi de suite. C'est-à-dire parce que les voies de la contrainte et de l'autorité sont plus sûres que celles de la ruse. Dans l'acte même de la tromperie, parmi tous les préparatifs, les frissons qui passent dans la voix, la mine, les gestes, au milieu de cette mise en scène impressionnante, eh bien, il leur arrive soudain de croire en eux-mêmes. C'est cette foi, alors, qui parle à leur entourage et le soumet comme par miracle. Oui, alors la critique qu'il adresse justement à ce moi qui serait réifié, je la partage complètement, puisque je parle justement d'un devenir, d'une attestation de soi. Évidemment, si on coupe la possibilité de mentir, on coupe aussi la force de l'imagination, la liberté que l'on peut avoir à l'égard de soi-même. Et évidemment, Nietzsche aimait trop les artistes pour vouloir se couper de la capacité à créer des interprétations, créer un foisonnement des images et un foisonnement de qui nous pourrions être ou des rôles que nous pourrions jouer. Donc, je partage sa critique. Si on comprend cette unification du moi jusqu'à l'identification, la transparence, la correspondance à soi-même complète. Ça, il me semble que c'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'illusion de la transparence. Par contre, il me semble que nous sommes toujours dans cette dialectique qui fait que nous avons des interprétations nous-mêmes, nous prenons des libertés, nous faisons preuve d'imagination dans la manière dont nous nous racontons, dont nous racontons le monde, dont nous racontons nos relations, et le moment où nous avons besoin de réunification, de retrouver un peu d'exactitude, de retrouver un peu de témoignage concordant, de ne pas être le seul à dire que nous avons vécu cet événement de cette manière, mais que d'autres personnes présentes au même moment sont capables d'attester du fait que ça s'est bien passé comme ça, etc. Nous sommes dans cette dialectique. C'est ça ce que j'appelle le processus de sincérité, le processus d'exactitude. Mais ce que Nietzsche pointe ici, c'est le confort de la vérité. Il prend le contre-pied de ce qu'on disait. On disait, c'est facile de mentir et on le fait souvent. Lui dit, mais c'est beaucoup plus facile de dire la vérité parce qu'on n'a pas justement à imaginer des stratagèmes, à trouver les langages pour exprimer quelque chose, que parfois la vérité est un confort, une facilité. Je pense que là, on est vraiment dans une autre époque. Je pense que vraiment le curseur s'est déplacé. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est à la fois une exigence très paradoxale, une exigence de ne pas être trompé, de ne pas être dupé. Donc nous ne voulons pas que les autres nous mentent, mais nous doutons de la possibilité d'établir une vérité. Un scepticisme généralisé en face d'une intolérance à l'égard du mensonge et de la tromperie. Et c'est ce paradoxe, cette tension constante que nous traversons, je pense, aujourd'hui. Enfin, que nous ne traversons pas, nous sommes baignés dans cette contradiction. Donc, un des effets serait le complotisme, la paranoïa, justement, le fait d'être... Oui, c'est ça. Il n'y a plus une vérité qui s'impose, donc nous sommes enclins à douter de tout et à construire une vérité de toute pièce. Oui, c'est ça. Et donc, si nous pouvons la construire de toute pièce, alors, effectivement, personne ne peut établir une vérité par rapport aux autres. Tout dépend de la manière dont chacun la construit. Donc ce scepticisme généralisé est, à mon avis, très difficile à défendre parce que, comme le diraient les juristes, les faits sont têtus. Donc il y a bien un moment où réapparaît une difficulté à maintenir des interprétations farfelues. Mais il faut distinguer ici la vérité de soi et la vérité, une vérité extérieure. Mais elles vont ensemble, justement. Ah oui ? Là aussi. Ah, mais bien sûr, on ne peut pas être soi sans être en rapport avec, en dialogue avec le monde qui nous dit qui nous sommes. Donc il y a évidemment une vérité intérieure, cette vérité intérieure que je dialectise toujours avec ce que les autres me renvoient. Il faut être deux pour dire pour être la soi. Oui, au moins deux. Et puis, il y a le monde aussi. Donc, je pense que cette unification se fait toujours dans un triangle, soit le monde et les autres. Et penser que la vérité subjective peut s'imposer au monde, je pense que ça, c'est illusoire. La vérité subjective est toujours en dialogue. Si elle ne se construit pas en dialogue, si elle ne s'atteste pas en dialogue avec les autres, risque de subir un démenti extrêmement tragique. C'est ce qui s'est passé avec Micha de Fonseca, qui confond sa vérité intérieure avec un récit qu'elle pourrait faire passer pour un récit véridique dans l'Europe centrale. Tout dans l'Europe centrale démentait ce récit intérieur qu'elle s'était construite. Donc il faudrait en fait sans cesse proposer, confronter sa propre vérité ou le récit qu'on en fait à autrui, au monde. Oui, exact. Faire une émission de radio tous les jours. Non, pas toujours sur le même sujet, j'espère, mais c'est ce que j'appelle la dialectique entre l'exactitude et la sincérité. Une sincérité qui se détache de la recherche de l'exactitude devient quelque chose de purement subjectif. Et on ne peut pas affirmer, non, mais ça, c'est ma vérité. Moi, j'ai vu les choses comme ça, c'est ma vérité et c'est non commensurable. Je pense que la recherche de la vérité suppose de se mesurer aux autres et au monde. Bon, on peut baratiner, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a un moment où le baratin va être mis en difficulté, oui. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Nathalie Frogneux. Merci à vous. Merci au public lillois qui vous a écouté. Alors, cette semaine, on termine chaque émission avec une chanson qui est une déclinaison de la chanson de Dalida, Parole, Parole, puisque c'est le thème de la semaine et de ce festival cette année, Cité Philo. Voici donc, avant d'accueillir Géraldine Mosna-Savoie, la version de Lisa van der A. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi. Quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons. Les chemins de la philosophie, toujours dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille pour le festival Cité Philo. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Eh ben si, on est là pour philosopher. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre dernière chronique ici sur le thème dire et faire, qui est donc le thème du festival Cité Philo cette année, vous vous intéressez une dernière fois, ce que vous avez fait toute cette semaine, aux prises de parole de femmes philosophes. Cette semaine, j'ai eu le plaisir, en effet, de vous parler d'Angela Davis, de Ayn Rand et d'Iris Murdoch, et à chaque fois pour interroger un aspect de la prise de parole des femmes philosophes. Quelle part du sexe apparaît dans une parole, en quel nom prendre la parole, ou encore comment donner la parole à des philosophes dont le discours ne laisse pas parler les autres. Mais j'aimerais aujourd'hui conclure avec une philosophe que j'aime tout particulièrement, Donna Haraway. Et pour poser cette question, comment prendre la parole n'est pas seulement une libération de soi, mais aussi une libération de la parole elle-même, une libération de nos catégories, de nos représentations, de notre partition habituelle et peut-être dépassée du monde qui la pétrisse. Il était où le gentil Tiyuki ? Où il était le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Il était où ? Où il était le gentil Tikiki ? Et où il est le pépère Wawa ? Yuki Siti, où c'est qu'est son pépère ? Il était où, hein ? Son papa ? Le bon pépère que son Kiki préfère. Et sa mère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère? Qui donne du susuc avec la boubouche? Quel est le rapport entre Richard Gottener et Donna Haraway et Géraldine? Entre même le Yuki de le Richard. Yuki. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, quel rapport entre ce toutou et la philosophe américaine. Pourtant, quand on connaît un peu l'œuvre de Donna Haraway, ça paraît assez évident. Donc Donna Haraway est née en 1944 à Denver, dans le Colorado. Elle est passée par Yale, elle est professeure émérite à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle y a occupé la chaire d'histoire de la conscience et des études féministes. Elle est l'auteure d'une œuvre incroyable, elle est pionnière du cyberféminisme. Elle a réussi en effet à lier en un tout féministe, écoutez bien, les singes, le socialisme, la technologie, les cyborgs et donc les chiens qu'elle aime plus que tout. D'où cette chanson de Richard Gottener. Sauf que le Yuki, la chienne de Donna Haraway, s'appelle elle Cayenne Pepper et qu'elle raconte dans son livre Le Manifeste des espèces compagnes comment à force de la câliner et de l'embrasser goulûment, leurs corps d'abord distincts de femmes et d'animal se sont au fur et à mesure mêlés. C'est la grande idée de Donna Haraway, l'hybridité. D'où son attachement à la figure du cyborg, être humain fait de greffes mécaniques ou technologiques. Ou comment tout ce que l'on croyait séparé, duel, voire opposé, devient mélangeable. Homme-femme, humain-machine, humain-animal, etc. Ce qui, vous l'avouerez, semble quand même assez fou comme geste philosophique. Oui, complètement fou, d'autant que moi je passe mon temps à embrasser mon micro pour parler. Donc c'est vous avez fusionné avec votre micro. Votre question, Géraldine, sur la prise de parole comme libération de la parole elle-même, en fait. C'est là où vous en venez. Exactement. Donna Haraway me semble révéler une autre dimension de la prise de parole féminine dans le champ de la pensée, celle de la libération des catégories traditionnelles de la philosophie comme le masculin-féminin, le corps-esprit, l'humain, l'animal. Libérer la parole, en effet, ce n'est pas que faire entendre une voix, comme j'ai pu le dire cette semaine, ce n'est pas non plus seulement écouter toutes les voix dans leur singularité, ce n'est pas seulement non plus rendre présentes, visibles des philosophes en leur nom, c'est aussi libérer la parole elle-même de ses carcans, de ses catégories, des concepts classiques qui la constituent. Mais j'ai l'impression que pour vous, Géraldine, elle fait plus que libérer la parole. Mais en fait, c'est pour ça que je la trouve vraiment géniale, Donna Haraway, c'est qu'elle ne libère pas seulement la parole, le langage et notre grammaire conceptuelle. Je soutiens qu'elle transforme ainsi nos manières de penser. Et pas seulement en épurant notre langage de catégories désuètes, au contraire, elle les mixe, elle les ajoute, elle les rajoute, elle greffe des éléments divers. On a ainsi, par exemple, beaucoup reproché au féminisme son manque de cohérence, ses dissensions internes, ses vagues contradictoires. Mais je crois qu'à l'image de la pensée de Donna Haraway, libérer la parole, c'est de ça aussi. Est-ce que ce n'est pas laisser place à la profusion, même désordonnée, conflictuelle, informe? Et je pose cette question, est-ce que ça ne serait pas un peu paradoxal de libérer la parole pour en fait toujours entendre les mêmes choses, dites et pensées de la même manière? Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. L'équipe des Chemins, c'est Géraldine Mosnas, sa voix ici présente à Lille à ma droite, à Paris, en studio ou au bureau, j'espère, Jules Barbier, Manon Delasselle, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine et qui est ici à ma gauche, à côté de Frédéric Cairou et Stéphane Beaufils qui était à la technique cette semaine. Merci à Virginie Noël et Jean-Marc Clauss de Radio France. Merci à l'équipe de Cité Philo ici à Lille, Gilbert Glasman, Myriam Pleine-Maison, Stéphane Demort, Jean Fromentin et tant d'autres qui chaque année nous accueillent, alors vraiment avec un accueil impeccable, ce qui fait qu'on revient chaque année avec plaisir. Merci au public lillois qui est toujours présent au rendez-vous et la salle est toujours pleine, donc merci à vous, c'est grâce à vous aussi qu'on revient. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. Vous savez, chaque semaine, nous donnons la parole à ceux qui ont fait de leur philosophie, qui ont fait de la philosophie leur métier. Ils nous expliquent pourquoi. Ils essayent de définir la philosophie. On n'y arrive jamais. Eh bien, demain, ce sera le philosophe Paul Audy qui viendra se prêter à l'exercice. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles enregistrées ici à Lille, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.